Alors lui, on ne s'est pas vraiment battu pour le gagner, mais on se bat pour le garder, tant son regard illumine notre esprit. C'est moi. Il s'est reconnu. Aymeric Lomprey, messieurs, dames. Ouais. Bonjour à tous, vous allez bien? Oh ben là, j'ai rien entendu. Ouais, eh, vous devez deviner qui je suis. On tourne la séquence 2 qui dure 56 secondes. Aymeric Lomprey, minutage sur long métrage. Non, oh, non, mais c'est parce que j'étais en tournage cette semaine pour le Cinoche et enfin j'ai fait. Bon, allez, on y va. L'actualité n'attend pas. L'actualité, c'est pas une girafe qui serait là. Bon, bah. Bon, après j'ai pas trop eu le temps de travailler ma chronique parce que j'étais en tournage pour le grand écran cette semaine. Enfin, le Cinoche, quoi. C'est en plus je joue un chômeur, donc si j'avais travaillé, je serais sorti de mon rôle. Et vous savez ce qu'on dit au cinéma? Il faut être et non faire. Allez, action, chronique, pardon. Oh. C'est dur d'avoir plusieurs cordes à son arc. Hein, quand t'as plein de talents, c'est difficile de passer d'un talent à l'autre. Pas vrai, Pierre Eman? Demande à quelqu'un d'autre. Bon, allez, chronique. Bon, alors, j'ai remarqué autour de moi en ce moment dans la France, il y a comme une démotivation dans ce qu'on appelle le vote. Hein, voilà, ce qui est légitime, hein, comme un sentiment de s'être bien fait niquer, quand même. Hein, c'est vrai que tu regardes le gouvernement, tu te dis, il y a autant l'utilité de voter que d'être Perchman sur un film de Georges Méliès. Ah, quand mes potes du Cinoche, ils vont l'entendre, celle-là. Ils vont être là, mais quel charlot, celui-ci. Il a encore fait son bonjour pantin. Moteur, chronique, pardon. Allez, bon. Alors, plus personne ne croit au vote, là. C'est vrai que plus personne n'a envie de voter. Tout le monde a envie de se torcher avec sa carte d'électeur. Mais je pense que l'heure doit être à la motivation. Hein, je pense qu'il faut qu'on tienne tous. Voilà, jusqu'en 2017, on serre les fesses, on pense à autre chose. Et tu vois, et au présidentiel, bam, on vote tous à gauche. On vote tous à gauche, ok? On vote tous... Après, ce sera la gauche au pouvoir. Ça va être la gauche au pouvoir. Après, ce sera trop bien. Ce sera toujours la fête. Qu'est-ce qu'on fête? Les 27 ans de Timéo et sa retraite. Ouais, ok. Bon, et moi, je paye mon champagne pour tout le monde. Mais Didier, tu es à la fois fou et généreux. Ça va, je suis au SMIC, hein, je peux me permettre. Véro, tu vas où? Je vais au travail, c'est le seul jour de l'année où je travaille. Oh, regardez là-bas, quoi. C'est la Tour Eiffel, mais faite avec des merguez. Qui l'a faite? C'est tous les sans-papiers qui ont été régularisés pour nous remercier. Oh, c'est fou. Je peux te sucer? Quoi? Là, c'est trop à gauche. Bon. Alors, ouais, je dis on vote à gauche et je dis pas on vote comme on veut. Hein, parce que, ouais, on va pas se foutre de la gueule des gens, on voit bien que c'est une émission de gauche. Hein, voilà, tu sais, on est tous payés pareil. Ouais, on est tous payés pareil. Même Juliette, elle est payée pareil. Ouais, hein, le rédac-chef, il est assis par terre avec le même pull depuis début septembre. Tu vois, et en loge, on a des moules marinières. Donc, tu vois, pas. Il manque plus qu'un sosie de Renault et c'est la fête de l'humain. Mais alors, bon. Comment que la gauche, elle va gagner en 2027? Alors, écoutez-moi bien. Premièrement, il faut organiser le vote pour que ça avantage au mieux les gauchistes. Donc déjà, on arrête le vote le dimanche. Organisons plutôt un vote sur 2-3 jours. Voilà. Le temps de s'organiser. Alors, je dis pas que le gauchiste a la tête en l'air, mais juste que le dimanche, c'est le lendemain du samedi. Hein? Une fois, j'ai voté en descente d'Ecstasy. Quand tu confonds urinoir et isoloir, ça n'aide pas la gauche. Hein? Deuxièmement, on met en place le vote sur Internet. Putain, faisons le vote sur Internet. Merde, on est en 2024, on peut faire les virements, l'actualisation, les impôts, mais on peut toujours pas voter sur Internet. Oh là là, je m'énerve. Non mais attends, en France, on a bientôt les taxis volants, mais on continue d'aller mettre un papier dans une urne avec un vieux retraité qui est là. Et à voter, vous pouvez retourner dans votre calèche. Bon, non, ça je l'ai rajouté à la chronique. Oui. Bon, alors, il y a des gens qui disent, oui, mais si on fait le vote sur Internet, il n'y aurait plus le côté solennel et solitaire du vote, et les gens risqueraient de se faire influencer. Oh, c'est vrai qu'heureusement qu'il y a l'isoloir. Sinon, à tous les coups, il y aurait des milliardaires d'extrême droite qui achèteraient plein de médias pour essayer d'influencer les gens. Merci l'urinoir, l'isoloir. Et puis, vous connaissez vraiment des gens qui sortent de l'isoloir, ils ont changé d'avis au dernier moment. Tu sais, ils rentrent en Sarwell, ils ressortent en pantin court avec un polo. C'est vrai qu'il y a quand même trop d'arabes, non? Alors. Et troisièmement, pour finir, pour que la gauche gagne, il faut que la droite perde. Donc la meilleure solution, c'est de les laisser faire de la merde, et pour ça, on peut leur faire confiance. Coupez. Pardon, merci de m'avoir écouté. Aymeric Lompré. Merci, Aymeric. Merci beaucoup, Aymeric, qu'on retrouve en podcast et qu'on retrouve en chair et en os le 30 octobre à Évreux. Oui, on m'a obligé. Ah oui, bah je me doute. Pour mon spectacle. C'est un tige. C'est un tige. C'est un tige, bien sûr. C'est quoi un tige? Je sais pas, je t'expliquerai après.